Leçon 2, page 56, activité 2 et 3, piste 45. Regarde la bibliothèque, maman. C'est beau. Mais là, qu'est-ce que c'est, chérie? C'est une carte du monde, maman. Et là, c'est quoi? Ce sont des portraits d'écrivains, tu vois. Ah oui, merci.